Je sais pas pour qui cette chanson-là a été écrite, mais ils ont dû s'amuser autant que Germain et toi. Oui, ça doit. Sais-tu, papy, à propos des pirates, ça peut être ça les fantômes sur l'île aux disparus? C'est peut-être des pirates qui ont fait naufrage et les fantômes protègent leur trésor. C'est logique. Ouais, c'est sûrement ça. Hein, papy? On devrait aller voir. Aller voir quoi, ma belle? Les trésors des pirates sur l'île. De quel trésor tu parles? Ben, s'il y a des fantômes, ils doivent bien être là pour quelque chose, sûrement pour garder un trésor. Marine, tu sais bien qu'il n'y a pas de trésor ni de fantômes sur cette île-là. T'es sûre? Tu sais bien. Bon, c'est ce que je pensais. Parfait. Comme ça, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de danger. On n'a pas le temps, là. Sinon, on ne pourra pas pêcher. Il est encore tôt, puis on est presque rendu. Regarde, on voit la plage. Il n'y a même pas de place pour amarrer le bateau. On le laissera à l'ombre. On peut bien se mouiller un petit peu les pieds. Il fait chaud aujourd'hui. Il n'y a rien à voir sur cette île-là. On pourra monter sur la grosse baie de là-bas? La vue doit être super. On pourra pêcher plus tard en s'en venant. Ah ouais, papy, dis oui. Ok, mais juste un petit tour. Promis. Génial. À l'abordage.